Chapitre 42e, le vieillard. Gilbert n'avait pas voulu prendre les routes de peur d'être poursuivi. Il avait gagné, de bois en bois, une espèce de forêt dans laquelle il s'arrêta enfin. Il avait dû faire une lieue et demie à peu près en 3/4 d'heure. Le fugitif regarda tout autour de lui. Il était bien seul. Cette solitude le rassura. Il essaya de se rapprocher de la route qui devait, d'après son calcul, conduire à Paris. Mais des chevaux qu'il aperçut sortant du village de Roquencourt, menés par des livrées oranges, l'effrayèrent tellement qu'il fut guéri de la tentation d'affronter les grandes routes et se rejeta dans les bois. « Demeurons à l'ombre de ces châtaigniers, » se dit Gilbert. « Si l'on me cherche quelque part, ce sera sur le grand chemin. Ce soir, d'arbre en arbre, de carrefour en carrefour, je me faufilerai vers Paris. On dit que Paris est grand. Je suis petit, on m'y perdra. » L'idée lui parut d'autant meilleure que le temps était beau, le bois ombreux, le sol moussu. Les rayons d'un soleil âpre et intermittent qui commençaient à disparaître derrière les coteaux de Marly avaient séché les herbes et tiré de la terre ces doux parfums printaniers qui participent à la fois de la fleur et de la plante. On en était arrivé à cette heure de la journée où le silence tombe plus doux et plus profond du ciel qui commence à s'assombrir, à cette heure où les fleurs en se refermant cachent l'insecte endormi dans leur calice. Les mouches dorées et bourdonnantes regagnent le creux des chênes qui leur sert d'asile. Les oiseaux passent muets dans le feuillage où l'on n'entend que le frôlement rapide de leurs ailes, et le seul chant qui retentisse encore est le sifflement accentué du merle et le timide ramage du rouge-gorge. Les bois étaient familiers à Gilbert. Il en connaissait les bruits et les silences. Aussi, sans réfléchir plus longtemps, sans se laisser aller à des craintes puériles, se jeta-t-il sur les bruyères parsemées çà et là des feuilles rouillées de l'hiver. Bien plus, au lieu d'être inquiet, Gilbert ressentait une joie immense. Il aspirait à longs flots l'air libre et pur. Il sentait que cette fois encore il avait triomphé en homme stoïque de tous les pièges tendus aux faiblesses humaines. Que lui importait de n'avoir ni pain, ni argent, ni asile? N'avait-il pas sa chère liberté? Ne disposait-il pas de lui pleinement et entièrement? Il s'étendit donc au pied d'un châtaignier gigantesque qui lui faisait un lit moelleux entre les bras de deux grosses racines moussues, et tout en regardant le ciel qui lui souriait, il s'endormit. Le chant des oiseaux le réveilla. Il était jour à peine. En se soulevant sur son cou brisé par le contact du bois dur, Gilbert vit le crépuscule bleuâtre estomper la triple issue d'un carrefour, tandis que çà et là, par les sentiers humides de rosée, passaient, l'oreille penchée, des lapins rapides, tandis que le daim curieux, qui piétinait sur ses fuseaux d'acier, s'arrêtait au milieu d'une allée pour regarder cet objet inconnu, couché sous un arbre, et qui lui conseillait de fuir au plus vite. Une fois debout, Gilbert sentit qu'il avait faim. Il n'avait pas voulu, on se le rappelle, dîner la veille avec Zamor, de sorte que depuis son déjeuner dans les mansardes de Versailles, il n'avait rien pris. En se retrouvant sous les arceaux d'une forêt, lui, l'intrépide arpenteur des grands bois de la Lorraine et de la Champagne, il se crut encore sous les massifs de Tavernet ou dans les taillis de Pierrefitte, réveillé par l'aurore après un affût nocturne entrepris pour André. Mais alors, il trouvait toujours près de lui quelques perdreaux surpris au rappel, quelques feux entués aux branchés, tandis que cette fois, il ne voyait à sa portée que son chapeau déjà fort maltraité par la route et achevé par l'humidité du matin. Ce n'était donc pas un rêve qu'il avait fait, comme il l'avait cru d'abord en se réveillant. Versailles et Lucienne étaient une réalité depuis son entrée triomphale dans l'une jusqu'à sa sortie effarouchée de l'autre. Puis, ce qui le ramena de plus en plus à la réalité, ce fut une faim de plus en plus croissante, et par conséquent de plus en plus aiguë. Machinalement, alors, il chercha autour de lui ses mûres savoureuses, ses prunelles sauvages, ses croquantes racines de ses forêts, dont le goût, pour être plus âpre que celui de la rave, n'en est pas moins agréable aux bûcherons, qui vont le matin chercher leurs outils sur l'épaule, le canton du défrichement. Mais outre que ce n'était point la saison encore, Gilbert ne reconnut autour de lui que des frênes, des ormes, des châtaigniers, et ces éternels glandés qui se plaisent dans les sables. « Allons, allons, se dit Gilbert à lui-même, j'irai droit à Paris. Je puis en être encore à 3 ou 4 lieues, à 5 tout au plus. C'est une route de 2 heures. Qu'importe que l'on souffre 2 heures de plus quand on est sûr de ne plus souffrir après. À Paris, tout le monde a du pain. » Et en voyant un jeune homme honnête et laborieux, le premier artisan que je rencontrerai ne me refusera point du pain pour du travail. En un jour, à Paris, on trouvera le repas du lendemain. Que me faut-il de plus? Rien, pourvu que chaque lendemain me grandisse, m'élève et me rapproche du but que je vais atteindre. Gilbert doubla le pas. Il voulait regagner la grande route, mais il avait perdu tout moyen de s'orienter. À Tavernay et dans tous les bois environnants, il connaissait l'Orient et l'Occident. Chaque rayon de soleil lui était un indice d'heure et de chemin. La nuit, chaque étoile, tout inconnue qu'elle lui fût sous son nom de Vénus, de Saturne ou de Lucifer, lui était un guide. Mais dans ce monde nouveau, il ne connaissait pas plus les choses que les hommes. Il fallait trouver, au milieu des uns et des autres, son chemin en tâtonnant au hasard. Heureusement, se dit Gilbert, j'ai vu des poteaux où les routes sont indiquées. Et il s'avança jusqu'au carrefour où il avait vu ses poteaux indicateurs. Il y en avait trois, en effet. L'un conduisait au Marais Jaune, l'autre au Champ de l'Alouette, le troisième au Trou Salé. Gilbert était un peu moins avancé qu'auparavant. Il courut 3 heures sans pouvoir sortir du bois, renvoyé du rond-point au carrefour des Princes. La sueur ruisselait de son front. 20 fois il avait mis bas son habit et sa veste pour escalader quelques châtaigniers colossales. Mais arrivé à sa cime, il n'avait vu que Versailles tantôt à sa droite, Versailles tantôt à sa gauche, Versailles vers lequel il semblait qu'une fatalité le ramenât constamment. À demi fou de rage, n'osant s'engager sur la grande route dans la conviction que Lucienne tout entier courait après lui, Gilbert, gardant toujours le centre des bois, finit par dépasser Viroflay, puis Chaville, puis Sèvres. 5h30 sonnait au château de Meudon quand il arriva au couvent des Capucins, situé entre la Manufacture et Bellevue. De là, montant sur une croix au risque de la briser et de se faire rouer, comme Sirben, par arrêt du Parlement, il aperçut la Seine, le bourg et la fumée des premières maisons. Mais à côté de la Seine, au milieu du bourg, devant le seuil de ces maisons, passait la grande route de Versailles, dont il avait tant d'intérêt à s'écarter. Gilbert, un instant, n'eut plus ni fatigue ni faim. Il voyait tout reste à l'horizon un grand amas de maisons perdues dans la vapeur matinale. Il jugea que c'était Paris, prit sa course de ce côté-là, et ne s'arrêta que lorsqu'il sentit la laine prête à lui manquer. Il se trouvait au milieu du bois de Meudon, entre Fleury et le Plessis Piquet. « Allons, allons, » dit-il, en regardant autour de lui, « pas de mauvaise onde. Je ne puis manquer de rencontrer quelque ouvrier matinal, de ceux qui s'envoient à leur travail à un gros morceau de pain sous le bras. Je lui dirai, tous les hommes sont frères, et par conséquent doivent s'entraider. Vous avez là plus de pain qu'il ne vous en faut, non seulement pour votre déjeuner, mais même pour tout le jour, tandis que moi je meurs de faim. Et alors, il me tendra la moitié de son pain. » La faim rendait Gilbert plus philosophe et il continuait ses réflexions mentales. « En effet, disait-il, tout n'est-il pas commun aux hommes sur la terre? Dieu, cette source éternelle de toutes choses, a-t-il donné à celui-ci ou à celui-là l'air qui féconde le sol, ou le sol qui féconde les fruits? Non, seulement plusieurs ont usurpé. Mais aux yeux du Seigneur comme aux yeux du philosophe, personne ne possède. Celui qui a n'est que celui à qui Dieu a prêté. » Et Gilbert ne faisait que résumer avec une intelligence naturelle ses idées vagues et indécises à cette époque, et que les hommes sentaient flotter dans l'air et passer au-dessus de leur tête, comme ces nuages poussés par un seul point et qui, en s'amoncelant, finissent par former une tempête. Quelques-uns, reprenait Gilbert tout en suivant sa route, quelques-uns retiennent de force ce qui appartient à tous. Eh bien, à ceux-là on peut arracher de force ceux qui n'ont que le droit de partager. Si mon frère, qui a trop de pain pour lui, me refuse une portion de son pain, eh bien, je la prendrai de force. Imitant cela la loi animale, source de tout bon sens et de toute équité, puisqu'elle dérive de tout besoin naturel. À moins, cependant, que mon frère me dise « Cette part que tu réclames est celle de ma femme et de mes enfants. Ou bien, je suis le plus fort et je mangerai ce pain malgré toi. » Gilbert était dans ses dispositions de louagin quand il arriva au milieu d'une clairière dont le centre était occupé par une mare aux eaux rousses bordée de roseaux et de nymphéas. Sur la pente herbeuse qui descendait jusqu'à l'oreiller en tous sens par des insectes aux longues pattes, brillaient, comme un semis de turquoise, de nombreuses touffes de myosotis. Le fond de ce tableau, c'est-à-dire l'anneau de la circonférence, était formé d'une haie de gros trembles. Des zones remplissaient de leurs branchages touffus les intervalles que la nature avait mis entre les troncs argentés de leurs dominateurs. Six allées donnaient entrée dans cette espèce de carrefour. Deux semblaient monter jusqu'au soleil qui dorait la cime des arbres lointains, tandis que les quatre autres, divergentes comme les rayons d'une étoile, s'enfonçaient dans les profondeurs bleuâtres de la forêt. Cette espèce de salle de verdure semblait plus fraîche et plus fleurie qu'aucune autre place des bois. Gilbert y était entré par une des allées sombres. Le premier objet qu'il aperçut, lorsqu'après avoir embrassé d'un coup d'œil l'horizon lointain que nous venons de décrire, il ramena son regard autour de lui, fut dans la pénombre d'un fossé profond, le tronc d'un arbre renversé, sur lequel était assis un homme à perruque grise, d'une physionomie douce et fine, vêtu d'un habit de gros drap brun, de la culotte pareille, d'un gilet de piqué gris à côtes. Ses bas de coton gris enfermaient une jambe assez bien faite et nerveuse. Ses souliers à boucles, poudreux encore par place, avaient cependant été lavés au bout et à la pointe par la rosée du matin. Près de cet homme, sur l'arbre renversé, était une boîte peinte en vert, toute grande ouverte et bourrée de plantes récemment cueillies. Il tenait entre ses jambes une canne de houx, dont la pomme arrondie reluisait dans l'ombre et qui se terminait par une petite bêche de 2 pouces de large sur 3 de long. Gilbert embrassa d'un seul coup d'œil les différents détails que nous venons d'exposer. Mais ce qu'il aperçut tout d'abord, ce fut un morceau de pain, dont le vieillard cassait les bris pour les manger, en partageant fraternellement avec les pinsons et les verdiers qui lorgnaient de loin la proie convoitée, s'abattant sur elle aussitôt qu'elle leur était livrée et s'envolant à tire d'aile au fond de leur massif avec des pépiments joyeux. Puis, de temps en temps, le vieillard, qui les suivait de son œil doux et vif à la fois, plongeait sa main dans un mouchoir à carreaux de couleur, en tirait une cerise et la savourait entre 2 bouchées de pain. « Bon, voici mon affaire, » dit Gilbert, en écartant les branches et en faisant 4 pas vers le solitaire qui sortait enfin de sa rêverie. Mais il ne fut pas au tiers du chemin qu'en voyant l'air doux et calme de cet homme, il s'arrêta et ôta son chapeau. Le vieillard, de son côté, s'apercevant qu'il n'était plus seul, jeta un regard rapide sur son costume et sur sa lévite.